Chapitre 14. Départ de la Noyonne pour les rouroutes de Loulous. Adieu au peuple, aux idoles de la famille Tundout. Trajet dans les steppes. Arrivée au monastère. Après une semaine à la Stavka Maloderbet, que la Noyonne passa en réception laïque et cléricale, elle s'apprêta à faire une tournée de donations aux différentes soumets et à leur monastère dirigé par le grand lama. À ce chef vénéré, dont le titre correspond à celui d'archevêque, tous rendent les plus humbles hommages et le Noyon d'Anoulous a coutume d'en donner l'exemple. La tutrice du jeune seigneur ne fit pas exception à la règle. Son départ pour les stations d'été des Rouroules rassembla devant sa porte toutes les populations des steppes voisins. Hommes, femmes, enfants se tenaient silencieux autour de l'attelage rustique. Lorsqu'elle apparut, aucun des assistants ne la salua, ni d'un geste, ni d'une parole, et elle monta dans notre véhicule sans recevoir d'autres témoignages que la muette déférence de la foule. Mais autant tous étaient tenus, immobiles et graves à son aspect, autant ils changèrent de contenance lorsqu'à sa suite au seuil de la porte se montra la camériste qu'il semblait guetter avec une respectueuse impatience. D'un bond, ils se précipitèrent vers la jeune Kalmouk, ou plutôt vers le paquet que celle-ci tenait en main, soigneusement enveloppé d'un foulard coloré. Ce précieux colis renfermait les images des idoles de la famille du Noyon, et chacun, pour avoir la faveur d'une bénédiction par un attouchement sacré, présenter la tête ou la poitrine, les mains ou les bras au contact des saints talismans. La camériste, habituée à l'usage, frappait de droite à gauche. Après un temps assez long et sur un signe de la Noyonne, la suivante prit place enfin près de nous dans la voiture. Aussitôt, une infinité de têtes et de mains passèrent sous la capote pour être heurtées une dernière fois par les reliques vénérées. Enfin, sur un geste de sa maîtresse, la jeune fille les recouvrit d'un second foulard. Chacun se retira alors instantanément. Le cocher fit claquer son fouet et bientôt notre voiture roula loin de la Stavka. Malgré tout ce qu'on a pu voir des églises et des institutions des différents cultes, on s'attend encore à du nouveau dans les monastères kalmouks. Les dogmes d'une religion si particulière, si inconnue en Europe et hors des steppes, ne peuvent manquer de piquer vivement la curiosité. Après toutes les comparaisons et remarques suggérées par les couvents chrétiens à Jérusalem et à Bethléem, ou musulmans en Afrique et en Asie, un nouveau champ d'observation s'ouvre dans les retraites où se professe le bouddhisme modifié par la secte des lamaïtes. Et ce n'est qu'en Russie qu'il est donné d'étudier de près des mœurs importées de si loin et restées si intactes depuis des siècles de coexistence au milieu des autres. Notre véhicule n'avait pas le confortable des berlines de voyage. Nous avions 25 verstes à parcourir dans une caisse si peu profonde que les nez couraient le risque à chaque chaos de se casser sur les genoux. Car souvent nous bondissions jusqu'aux lattes qui soutiennent la capote, manquant de nous fendre le crâne. Plus d'une fois, je dus, au support auquel je me retenais, de ne pas rouler dans le sable. La nécessité engendre les idées les plus ingénieuses. Je finis donc par trouver le moyen de caser ma personne et d'étendre mes membres endoloris. Pendant le trajet, l'œil cherche en vain une trace humaine, une distraction à la monotonie qui l'environne. Cette solitude fait penser au repos éternel. Le vide partout. Mais en étudiant mieux les steppes, on découvre cependant que cette nature n'est pas morte et qu'elle y engendre un monde d'insectes variés. L'automne y est magnifique. De tièdes soirées succèdent à la douce chaleur du jour. Une pareille course est surtout agréable lorsque le vent ne soulève pas des tourbillons de sable au milieu desquels on on se voit pris comme dans des brumes épaisses. Au crépuscule, les lointains, flottants, se fondent dans un océan vaporeux d'un admirable et unique effet. Aux clartés de la lune, le sol miroite comme parsemé de paillettes d'argent. Aucun spectacle ne saurait être plus à l'unisson du calme que l'on ressent la nuit, perdu au milieu de cette immensité. Les sensations nouvelles que j'éprouvais étaient en parfait accord avec le monde inconnu vers lequel je m'avançais en allant visiter le campement claustral des bouddhistes. Sous les teintes effacées de la nuit, le solitaire et pieux asile remémorait les prédications du prince indien sur le renoncement du monde pour atteindre la perfection digne du nirvana. On eût dit un coin de l'empire des ombres évoqué par la poésie de l'imagination, et l'arrivée au Rouroule en prolongea l'illusion. Lorsque notre voiture s'arrêta, elle fut en un clin d'œil entourée de figures vêtues de longs cafetans écarlates, coiffées de chapeaux, de bonnets rouges ou jaunes. Immobiles et silencieuses, elles ressemblaient plutôt à des fantômes qu'à des êtres vivants. On ne pouvait rêver une mise en scène plus appropriée au décor. La surprise surpassait tout ce que l'on aurait pu imaginer de plus étrange. Silencieuse aussi, la Noyon descendit et traversa la double haie de spectres rouges jusqu'à la guerre qui lui était réservée. Les religieux la suivirent sous la tente où elle s'accroupit sans mot dire sur un tapis. Ils en firent autant, chacun suivant son rang. Ce nouveau tableau n'était pas moins curieux que le précédent. Enfin, la Noyon rompit le silence en adressant quelques paroles au Gelung, le plus rapproché d'elle et sans doute le plus titré. Il répondit, et le calme le plus parfait se rétablit jusqu'à l'arrivée du samovar bouillonnant apporté par un jeune séminariste. La camériste nous servit le thé. Les religieux sortirent alors, mais revinrent peu après et reprirent leur place, toujours taciturnes. Bientôt, l'arrivée du souper, posé par deux élèves sur le tapis devant la Noyon, fut le signal définitif de la retraite. Ce soir-là, ils ne reparurent plus. Après avoir dégusté en amateur consommé le repas national qui a été déjà décrit, ma compagne s'apprêta au repos. Mais avant de m'endormir à mon tour, je me demandais longtemps si je ne rêvais pas et si, réellement, j'allais passer la nuit seule sous une tente dans le camp des moines païens. Fin du 14e chapitre.